Bienvenue dans ce sixième numéro de 82 BPM, le podcast qui vous raconte l'origine d'une chanson. Je suis Yannick Doc, et aujourd'hui je vais vous parler de Sunday Bloody Sunday de U2. Commençons par une petite présentation. U2, c'est un groupe de rock originaire de Dublin, en Irlande. On est en 1976, Larry Mullen, le futur batteur, s'est fait virer de la fanfare de son école. Du coup, il passe une petite annonce au lycée pour monter un groupe de rock. Ça marche pas trop, alors il prend contact directement avec Adam Clayton, un bassiste qu'il connaît de réputation. Ils seront rejoints par les frères Evans, c'est des guitaristes. Alors il y a David, c'est le futur The Edge, et Dick, c'est le futur, c'est le futur ex-membre. Dans leur lycée, il y a aussi Paul Hewson, c'est Bono, qui fait partie d'une troupe d'artistes de rue. Adam le trouve génial et Larry le recrute. Il sait pas jouer d'instrument, mais alors il sera le chanteur. Et voilà la naissance du Larry Mullen's Band. Au cours des premières années, ils changent plusieurs fois de nom. Et en 1978, c'est un pote à eux, Steve Avril, designer et aussi chanteur d'un groupe de punk local, qui trouve le nom de U2. Et c'est une référence à un avion espion américain, le Lockheed U2, qui s'est fait descendre en URSS quelques jours avant la naissance de Bono. Au début, les membres n'aiment pas trop, et il n'y a que Adam qui trouve ça chouette, et il participe à un concours qui le remporte tout seul. Du coup, c'est comme ça qu'il est définitivement adopté. Le groupe gravit les échelons au fur et à mesure, et ils deviennent connus en Irlande, en Angleterre, et c'est en 1983, grâce à War, leur troisième album, qu'ils deviennent mondialement reconnus. Dans ce disque, ils prennent ouvertement position sur des sujets politiques, comme les tensions en Irlande, la course à l'armement nucléaire entre les USA et l'URSS, ou la guerre des Malouines. Et ça va devenir leur marque de fabrique. U2 est un groupe engagé. Ça se confirmera aux yeux de tout le monde en 1985 pour le Live Aid, c'est un double concert caritatif entre Philadelphie et Londres, qui marquera bien les esprits. La carrière du groupe est définitivement lancée, et au fur et à mesure des années, ils participent à plein d'offres caritatives. Ils sont même ambassadeurs de conscience d'Amnesty International depuis 2005. Mais revenons un peu en arrière, en 1982, belle année. Bono est en voyage de noces, et les autres bossent sur le futur troisième album. The Edge n'est pas dans une très bonne période, il se sent pas capable d'écrire, ça le met en colère contre lui-même, et ajouter à ça une petite dispute avec sa copine. Enfin, il est vraiment pas en bonne forme, quoi, et il déprime un peu, quoi. Et c'est de tous ces sentiments mélangés que va naître Sunday Bloody Sunday, dans un premier temps le riff, et ensuite les paroles. Le nom de la chanson fait référence à deux dimanches sanglants en Irlande, l'un en 1920 et surtout le second en 1972, où l'armée britannique a ouvert le feu contre une manifestation pacifique pour l'égalité des droits civiques entre catholiques et protestants. Le bilan est de 13 morts et d'une vingtaine de blessés. Dans le premier jet de The Edge, l'IRA, alors l'armée républicaine irlandaise, était clairement mentionnée. Mais pour éviter tout problème pour le groupe et les membres de leur famille, les paroles finales furent changées. Et la chanson ne parle pas vraiment des événements à proprement parler, mais plutôt des conséquences. Ils prennent pas parti, ils tirent juste la conclusion que des innocents meurent inutilement chaque jour, et posent la question de savoir combien de temps ça va encore durer. Au début, il y a eu quelques controverses sur l'interprétation des paroles, les gens pensaient qu'ils étaient pro-républicains. Du coup, Bono aime préciser avant de chanter Sunday Bloody Sunday que c'est pas une chanson rebelle ou révolutionnaire. Et il brandit le drapeau blanc pour éviter tout malentendu. Alors même si la chanson est à la base sur le conflit en Irlande, elle est valable aussi pour n'importe quel autre conflit. Et c'est ce qui a contribué à l'énorme succès de ce morceau. C'est devenu une sorte d'hymne pour la paix. Comme toujours avec un succès planétaire, elle a été reprise de nombreuses fois. Mais je vais tricher un peu pour la première parce que en fait c'est une version de U2. Mais c'est The Edge qui chante et c'est un live de 1997 à Sarajevo. Seulement deux années après la fin de la guerre. « Maintenant, c'est une version brésilienne de Sambo en 2012. C'est un groupe de rock avec des airs de samba. Just begun. This man lost it, but tell me who lost one. And Tracy, they give it your heart. And more than children brought in, sisters from apart. Sunday, what a Sunday. Et on va terminer sur une note féminine avec une version acoustique de Katie Melua en 2012. And the battle's just begun. Many lost, but tell me who has won. The trench is dug within our hearts. And mothers, children's, brothers, sisters torn apart. Sunday, bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday. How long must we sing this song? Et c'est ainsi que se termine ce numéro. Vous pouvez me contacter sur Twitter, @YannickDoc ou @82BPMPodcast. Toujours un grand merci à ceux qui partagent, qui me font des retours, c'est bien sympa de prendre le temps de le faire. L'émission est disponible sur PodCloud, sur iTunes, sur YouTube, et aussi sur Pod Radio en ce moment. À bientôt! Vous êtes encore là? Bon, j'ai encore une petite reprise à partager avec vous. Mais elle était un peu violente pour la mettre dans le podcast, du coup, je la mets à la fin. Ce sera pour les vrais qui écoutent jusqu'au bout. Ou ceux qui pensent que le podcast est terminé, et d'un seul coup, ça va recommencer. Surprise! C'est une version deathcore progressive de Veil of Maya, en 2011. Attention aux oreilles.